Aujourd'hui donc, dans Affaires Sensibles, à deux jours de la sortie sur les écrans du dernier volet de la troisième trilogie de Star Wars, retour sur la genèse de cette série de films dont le premier remonte à l'année 1977. Quelques notes de musique, on vient de les entendre, le bruit d'un sabre laser, le souffle rauque de Dark Vador, le célèbre exergue. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, difficile d'échapper à l'univers créé par George Lucas, partout, par petites touches ou à grands traits, Star Wars a marqué et marque encore de son empreinte. En 40 ans, cette saga est devenue une icône de la culture pop mondialisée. Tout commence par le rêve d'un adolescent nourri de mythologie, l'histoire d'un jeune prodige du cinéma qui voulait révolutionner Hollywood. Le scénario, lui, tient dans un mouchoir de poche. La quête initiatique d'un jeune fermier parti à la recherche de son identité pour finalement découvrir celle de son père. L'audace et le génie de George Lucas sera d'inscrire ce récit mythique dans un monde futuriste, fait de planètes, d'aéronefs et de robots à grands coups d'effets spéciaux. Du premier pitch à la première projection, voici donc le récit d'un coup de poker, d'une aventure apocalyptique avec une happy end pour presque tout le monde. Notre invité aujourd'hui, l'historien Thomas Negaroff, spécialiste des États-Unis, enseignant à Sciences Po Paris et auteur de l'essai « Je suis ton père », la saga Star Wars, l'Amérique et ses démons, paru en 2015 aux éditions Naïves et réédité en format de poche en 2018 chez Armand Collin. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Mercredi 25 mai 1977 sur la planète Hollywood. Dans les mythiques studios Goldwyn, c'est la fin d'une très longue journée pour le réalisateur George Lucas. Depuis deux semaines, 18 heures par jour, il travaille comme un forcené sur le doublage des versions étrangères de son troisième long métrage intitulé Star Wars. Bientôt prêt à faire le tour des cinémas du monde. Dans la salle à côté, sa femme, la monteuse Marcia Lucas, termine le montage de New York, New York, réalisé par Martin Scorsese. Vers 18h, le couple profite d'une pause pour aller déguster un hamburger sur Hollywood Boulevard. Il tombe alors sur une foule immense, bloquant trottoirs et voitures. Sur 8 ou 9 rangées, des milliers de personnes trépignent d'impatience devant le cinéma du Walk of Fame de Los Angeles. George Lucas ne comprend pas tout de suite. Peut-être la première d'un film, pense-t-il, ou quelque chose dans le genre. Emporté par la foule, il aperçoit bientôt le titre néon scintiller dans la nuit, Star Wars, et il n'en revient pas. Accablé par le travail, il en avait presque oublié que ce soir, c'est la grande première américaine de son film. Et c'est un triomphe avant l'heure. Les spectateurs, chauffés à blanc depuis des mois par une intense campagne de communication, ressortent de la projection en hurlant de joie. George Lucas est stupéfait. Personne, et lui le premier, ne croyait au succès de son space opéra, un ovni, c'est le cas de le dire, dans le paysage cinématographique de l'époque. La preuve, ce 25 mai 1977, Star Wars sort dans seulement 32 salles à travers le pays, une distribution quasi confidentielle. Partout pourtant, le miracle se répète. Devant les cinémas qui programment le film, les files d'attente sont interminables. L'emballement est immédiat, hallucinant même. Le producteur Alan Ladd Jr. est aux anges, quand George Lucas, lui, reste sur ses gardes, comme il en témoigne dans une interview donnée à l'occasion de la sortie VHS du film en 1995. Je n'ai pas vraiment réalisé le succès du film avant sa sortie en salle. Et même ce jour-là, quand Alan Ladd m'a dit « Les premières projections affichent complet, on va faire un carton », j'ai dit « Tous les films de science-fiction démarrent bien. Attendons la troisième semaine. » J'étais un vrai rabat-joie. George Lucas est tellement pessimiste qu'il préfère prendre la poudre d'escampette. Le lendemain de la sortie de son film, il s'envole avec sa femme Marcia pour Hawaï, loin du tumulte d'Hollywood et de sa bataille des chiffres. En vain, car son téléphone ne cesse de sonner. Star Wars est un carton et l'euphorie monte d'un cran. En une semaine, le film a déjà battu tous les records d'affluence, surpassant ainsi les deux précédents monstres, Le Parrain de Francis Ford Coppola et Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Il y a bien quelques critiques pour dénoncer le mélange des genres, la minceur du scénario, la platitude des personnages. Mais dans l'ensemble, la presse américaine est conquise. Le Time Magazine n'hésite pas à lire d'ores et déjà « Meilleur film de l'année ». Et le Chronicle Journal de San Francisco lance les paris. Il y a en chacun de nous un enfant qui rêve de créatures magiques et d'aventures fantastiques. Si Star Wars ne glane pas moins d'une demi-douzaine de nominations aux Oscars, je veux bien manger mon Wookiee. Le Wookiee, pour les non-initiés, l'une des espèces inventées par George Lucas, dont la grosse bête à poil, Chewbacca, est son plus célèbre représentant. Mais le plus bel outil promotionnel de Star Wars est le bouche-à-oreille, qui fonctionne à merveille. En cet été 77, tous les enfants du pays jouent à la guerre des étoiles et ne parlent plus que de combats au sabre laser, d'étoiles de la mort, de faucons millénaires, de batailles intergalactiques, d'adorables robots, de méchants casqués et d'héroïsme spectaculaire. Que la force soit avec toi, chante en chœur l'Amérique. Et les produits dérivés feront le reste. En quelques mois, Star Wars est devenu un phénomène de société. Fan de la première heure, William Forsch, à 14 ans, lorsque sort le film. Séance après séance, il trimballe sa mère et son magnétophone pour enregistrer la réaction des spectateurs dans la salle. Et c'est l'apothéose, lorsque le vaisseau Faucon Millennium apparaît pour sauver le héros Luke Skywalker et anéantir l'étoile noire. Cinq mois plus tard, le 19 octobre 1977, Star Wars, ou plutôt la guerre des étoiles, débarque en France, auréolé de sa gloire américaine. L'attente du public est immense, et les sceptiques seront confondus. À la fin de l'année, le film caracole en deuxième position du box-office français, avec 6,5 millions d'entrées, juste derrière Bernard et Bianca de Walt Disney. Dans les salles obscures, l'imagination est au pouvoir. Les journalistes français, eux, sont partagés entre dédain, méfiance envers un blockbuster américain ou admiration béate. Sur France Inter, les critiques du masque et la plume illustrent cette valse hésitation. Pour Jean-Louis Borry, La guerre des étoiles est un film empreint de littérature chevaleresque qui ravive notre âme d'enfant. Ouais, c'est surtout un peu idiot, rétorquent en chœur Michel Pérez et Georges Charansol. Je voulais dire par là que ces films-là étaient peut-être un peu dangereux. Enfin, dangereux pas d'un point de vue moral, mais peut-être d'un point de vue politique. Parce que ce sont des objets de consommation. Le film devient de plus en plus un objet de consommation de l'instant. Et d'abrutissement total. Et d'abrutissement total. Et aucune réflexion n'est possible à partir de ce genre de film. Cela dit, ce sont des films qui sont extrêmement agréables à voir. Et La guerre des étoiles, c'est vraiment le grand pied. Absolument. Si la salle éclate en applaudissements à la fin, c'est un... À Paris. Tonnerre d'applaudissements à Paris. Les grandes salles parisiennes archi-bourrées avec des queues de 150 mètres, c'est qu'il y a quand même une raison. Oui. C'est parce que c'est quand même très bien toujours fait. Toujours ton point de vue c'est primaire. Du cinéma. Bon, ben, évidemment, il faut abdiquer de tout esprit critique. C'est complètement débile. Bon. Comme on peut l'entendre, même le plus français des critiques ne parvient pas complètement à bouder son plaisir. Personne, en fait. C'est bien simple. En novembre 77, Star Wars devient le film le plus rentable de tous les temps. Il en est alors à 193,5 millions de dollars de bénéfices. Et peu importe la qualité de l'intrigue, l'essentiel n'est pas là. Je suis un avocat du cinéma pur, à vous, George Lucas, ou George Lucas, comme vous préférez. Ce qui compte, c'est le visuel, dit-il. Pour moi, l'émotion importe plus que les idées. Voilà, comme ça c'est clair. Hollywood s'en souviendra, grand marqueur de notre époque, Star Wars entre dans la mythologie contemporaine et dessine un nouveau modèle industriel fait de blockbusters et de merchandising. Mais Hollywood se souviendra aussi longtemps de son rendez-vous manqué. Beaucoup sont ceux qui ont raté la chance de leur vie en refusant de croire au projet de George Lucas. Il faut dire que, au départ, c'était pas gagné cette histoire. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, Star Wars n'existait encore que dans les rêves un peu fous d'un enfant prodige du cinéma. 5 ans plus tôt, en 1972, George Lucas a 28 ans et vient de finir le tournage de son deuxième long-métrage, American Graffiti. Son premier film, THX 1138, est sorti l'année précédente, une science-fiction pessimiste à la limite de l'expérimental. Le film connaît un succès d'estime, comme on dit, mais commercialement, c'est un échec. Et Lucas retient la leçon. Produit par Francis Coppola, qui vient de triompher avec Le Premier Parrain, il revient cette fois avec un film plus léger, une comédie nostalgique qui pose les bases des teen movies à l'américaine, allègrement reprise dans les années 80. Lucas, c'est un précurseur. American Graffiti. Where were you in 62? Saute avec ta copine dans ta bagnole couleur bonbon ou ta machine à crisser. Venez au centre-ville pour voir American Graffiti. Chou, qu'est-ce que c'est? C'est un film. Vous imaginez? Remontez dans le temps. Où étiez-vous en 62? American Graffiti n'est pas encore sorti en salle que George Lucas commence à imaginer son prochain film. Après s'être adressé aux adolescents, il veut désormais écrire un film pour les enfants. À leur âge, dit-il, nous avions les westerns, les films de pirates et d'aventure. Eux, ils n'ont plus rien. Il ne leur reste que Disney et la télé. Et c'est précisément à la télévision que le jeune réalisateur va puiser sa première inspiration, comme il le raconte plus tard, en 1995. Je pense que l'idée m'est venue à l'origine d'une série télévisée qui s'appelait Adventure Theater. On y voyait Flash Gordon conquérir l'univers. J'adorais cette série. Alors j'ai décidé de créer ma propre Odyssée de l'espace. J'ai élaboré une histoire et je l'ai proposée à United Artists en leur offrant l'exclusivité et ils n'en voulaient pas. Je l'ai ensuite proposé à Universal et là, même réponse. Finalement, je suis allé voir la Fox et Alan Ladd Jr. qui a été intéressé. Il n'y comprenait rien, mais il avait adoré American Graffiti. Et il prenait les yeux fermés. Après le refus de plusieurs grands majors américaines, George Lucas s'associe donc à la 20th Century Fox et au producteur Alan Ladd Jr. Le courant passe à merveille entre les deux hommes. Lady, comme il l'appelle, est calme, diplomatique et courtois, mais surtout, il sait rester à sa place, sans jamais empiéter sur le terrain du réalisateur, ce qui n'est pas toujours le cas à Hollywood. En janvier 73, un premier contrat, disons au rabais, est signé avec la Fox. $50 000 pour écrire le scénario, $100 000 pour la réalisation et un budget total fixé à $3,5 millions. Lucas sait très bien que cette somme est nettement insuffisante pour ce qu'il veut faire, mais il accepte. Histoire de ne pas effrayer son producteur, il sera toujours temps de réajuster plus tard. Le 1er août 1973, American Graffiti sort en salle. Il devient immédiatement le phénomène de l'été, un énorme succès commercial. George Lucas est désormais riche à millions, rembourse ses créanciers, s'offre une charmante maison victorienne à San Anselmo, au nord de San Francisco. C'est là qu'il va écrire l'essentiel de son nouveau film, alors intitulé The Star Wars, un mélange, dit-il, de Lawrence d'Arabie, de James Bond et de 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais c'est avant tout dans la littérature que Lucas va puiser son miel. Il étudie, décortique et analyse mille et une légendes, du roi Arthur à la mythologie grecque, des contes de Grimm aux bandes dessinées des années 30. L'histoire de Luke Skywalker, son personnage principal, suit alors celle des héros mythiques. Un voyage initiatique, un combat acharné entre le bien et le mal, et une lutte intime contre le côté obscur de la force qu'il habite. Oui, Luke est de tous les temps, comme l'explique l'historienne Joan Broughton Connelly dans le documentaire Star Wars, les origines d'une saga, sorti en 2007. C'est passionnant d'étudier le cycle de la guerre des étoiles, parce que ça s'apparente à des fouilles archéologiques. À la surface, tout le monde reconnaît Excalibur dans le sabre laser. Si on gratte un peu, quand Luke s'enfonce dans l'étoile de la mort, on se dit « Tiens, ça rappelle la descente aux enfers d'Ulysse, le héros grec. » Mais on peut aller dans des strates encore plus profondes. Ce qui m'amuse, c'est que je finis par me demander « Est-ce George Lucas qui a établi ce lien ou est-ce moi ? Est-ce que, comme le poète, comme le créateur, j'établis des liens ?» C'est ça la mythologie. Chacun s'y reconnaît. Mais l'écriture du scénario est laborieuse. Après plusieurs mois de travail, George Lucas n'a qu'une dizaine de pages à faire lire. Et même à la Fox, on n'y comprend rien, tant elle est obscure, cette histoire de Padawan et de Jedi maîtrisant la Force, un champ d'énergie qui donne à ceux qui la maîtrisent de grands pouvoirs. Le réalisateur profite alors des doutes du studio pour arracher un accord exceptionnellement favorable qui fera de lui, quelques années plus tard, l'homme le plus riche d'Hollywood. Il ne veut pas une augmentation de salaire, non. Il réclame que 40% des recettes nettes soient versées à sa propre société de production, Lucasfilm, qui se réserve aussi les droits pour une suite éventuelle ou sur les produits dérivés. Le studio croit faire une bonne affaire, mais dans les bureaux de la Fox, on a bien rigolé en imaginant Lucas vendre des jouets qui sortiraient d'usine quand le film serait déjà oublié de tous. Il faudra alors au réalisateur plus de 2 ans et demi pour achever le script de Star Wars. Et il s'y donne corps et âme, allant même jusqu'à refuser de réaliser un film que lui propose Coppola, Apocalypse Now, mais oui. Durant cette période, la Fox menace 1000 fois d'annuler la production. Les fantasmes du cinéaste vont coûter cher, très cher. Et de fait, les coûts s'envolent. Le film passe de 3,5 millions à 10 millions de dollars sans que la moindre image ne soit tournée. Finalement, en décembre 1975, George Lucas, toujours soutenu par le très combatif Alan Ladd, parvient à arracher le feu vert. Le tournage est prévu pour le printemps 1976. Il s'entoure d'une équipe triée sur le volet et se fait désormais chef d'orchestre. Son premier violon, c'est le génial illustrateur Ralph McQuarrie. Sous ses crayons, il donne vie à Chewbacca et à Dark Vador, ainsi qu'à des multiples vaisseaux. En parallèle, Lucas fonde sa propre société d'effets spéciaux ILM, Industrial Light and Magic, et embauche les meilleurs techniciens du moment. Enfin, le producteur Gary Kurtz apporte sa connaissance des philosophies orientales qui, dit-on, enrichissent considérablement le propos du film, s'ils le disent. Et en tant que producteur, c'est évidemment Gary Kurtz qui est chargé de veiller sur le budget, comme il le raconte lors de la sortie du film en 77. We knew that it would be difficult to do it all for that price, so we planned the film to be a low-budget film, to be as simple and as economical as possible, and we designed new equipment to do the special effects and built our own equipment so that we could do 400 shots in a year. Nous savions que ces trucages seraient très coûteux et c'est pourquoi nous avons conçu le film comme un film à petit budget de façon à nous permettre de réaliser tous ces trucages pour lesquels nous avons conçu des procédés spéciaux de façon à faire 400 plans dans l'année. 9 millions de dollars, Michel Drac, ça vous laisse rêveur comme petit budget. Ça fait 10 films pour vous, non, même plus. Là, 45 millions de francs français, voilà, la traduction est faite. Au début de l'année 76, George Lucas commence son casting. À l'image de ses pairs du nouvel Hollywood, il ne veut pas de stars, mais de jeunes acteurs quasi inconnus, dans lesquels les spectateurs pourront plus facilement s'identifier. Le rôle principal, celui du héros Luke Skywalker, revient ainsi à Mark Hamill, celui de la princesse Leia, l'espiègle Carrie Fisher, l'aventurier intrépide Han Solo à Harrison Ford, pas encore une star, et enfin le sage Obi-Wan Kenobi sera joué par le britannique Alec Guinness, seul acteur confirmé.

mort comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Fais ce dernier pas en direction de la force obscure. Comment sommes-nous tombés dans ce pétrin ? J'y perds mon latin. Nous sommes faits pour souffrir. Voilà notre lot. Il faut que je me repose ou je vais tomber en pièces. J'ai les articulations frigorifiées. Comme ce désert est sinistre. Le 22 mars 1976, le tournage du premier opus de la saga Star Wars commence dans le sud-est de la Tunisie, à la lisière du Sahara. Ici, sous une chaleur torride, évidemment, les équipes de construction travaillaient en amont pendant 2 mois pour transformer ce bout de désert en planète d'une galaxie lointaine. Mais au deuxième jour de tournage, patatras, des pluies diluviennes, comme il en arrive tous les 50 ans, s'abattent sur la région, et une tempête de sable ajoute au désastre. Les décors s'envolent, le sable crible les objectifs, et, cerise sur le gâteau, plusieurs membres de l'équipe sont victimes de dysenterie. J'avais l'impression que si les choses continuaient sur cette lancée, je n'arriverais jamais à finir ce film. Tout me dépassait, confiera plus tard George Lucas. Pour le chef décorateur, John Barry, le principal souci est de faire fonctionner correctement le petit robot R2-D2 animé par l'acteur de petite taille Kenny Baker. Les problèmes techniques sont quasi permanents et l'improvisation devient la règle. Ce n'est pas simple non plus pour son compère C3PO, un droïde métallique interprété par Anthony Daniels. Le premier contact avec son costume doré, notamment, ne se fait pas sans mal. Comme le raconte le producteur Gary Kurtz, invité sur Antenne 2 à commenter les images du making-of. Working with 3PO was always very difficult. Tony had trouble walking in the suit the first few days in Tunisia. It was always very hot, it was very windy, and sand got in the suit a great deal. Traduisez, Elisabeth. C'était très difficile de travailler avec le robot 3PO parce qu'il faisait très chaud en Tunisie, il y avait du vent et le sable s'introduisait dans toutes les articulations. Après 2 semaines et demie de ce régime éprouvant, l'équipe de tournage quitte la Tunisie pour l'Angleterre, dans la banlieue de Londres. Un choix stratégique. Les studios européens sont moins chers que ceux de Los Angeles et surtout, ils sont bien plus loin de la Fox et de ses pressions. L'équipe des Coel a travaillé sans relâche pour donner corps à la vision de Lucas. Vaisseaux, grottes, quartiers de commandement, ainsi que le vaste réseau de corridors de l'Étoile de la Mort, tout est là, il n'y a plus qu'à. Le tournage va durer 15 semaines, tout aussi chaotique que les premières. Les rapports entre les techniciens et le réalisateur sont tendus. Lucas a la réputation d'un type fier et arrogant, qui ne dit jamais merci. Et son équipe le lui rend bien. Dans une Angleterre ultra syndiquée, tous refusent systématiquement les heures sup, tandis que les retards sont colossaux. La crise est permanente sur le plateau. George Lucas est à bout. Après cette expérience, il renoncera à la mise en scène et mettra plus de 20 ans à revenir derrière la caméra. De retour aux États-Unis, les plus amers et déprimés que jamais. Il se plaint de n'avoir pu tourner que 30% de ce qu'il ambitionnait. Il clame haut et fort qu'il vient de réaliser le banc d'annonce à 10 millions de dollars. Quant à l'avance et les effets spéciaux sur lesquels sa société ILM travaille depuis des mois, c'est tout simplement une catastrophe. Le plus dur a été la fin du tournage. De retour aux États-Unis, je n'avais pas de monteur. Je devais refaire tout le montage du film, tout reprendre. Je suis allé voir ILM. Ils avaient dépensé 1 million sur les 2 millions de dollars. Nous étions à 5 mois environ de la sortie du film et ils n'avaient rien. Et là, j'ai paniqué. Je n'avais pas de film, pas d'effets spéciaux, rien. J'étais dans la panade. Et dans ces conditions, impossible de sortir Star Wars pour Noël 76, comme il était prévu. De fait, George Lucas décide de tout reprendre à zéro, vire son monteur, John Gibson, et fait disparaître les 13 bobines déjà montées. Il se tourne alors vers sa femme, l'as des ciseaux Marcia Lucas, qui vient de terminer le montage de Taxi Driver de Scorsese. Elle est assistée du talentueux Richard Chu. Pour la musique originale, Lucas se rapproche du compositeur oscarisé John Williams, qui accepte immédiatement. Il s'inspire alors des fameux leitmotivs de Wagner pour écrire une partition grandiloquente et héroïque, loin de la mode de l'époque, plus tournée vers la musique électronique expérimentale. Ce fut la seule chose du film qui était mieux que ce que j'avais jamais imaginé, dira plus tard le cinéaste. Et pour cause, l'œuvre de John Williams est devenue indissociable du succès de la saga. Au début de l'année 77, le cinéaste estime que le montage de Star Wars est suffisamment avancé pour organiser une première projection à San Francisco. Les effets spéciaux ne sont pas terminés, mais disons que le film tient debout. À l'entrée de la salle, tout le gratin de la Fox est là, ainsi qu'un petit cercle d'amis de réalisateurs comme Steven Spielberg ou Brian De Palma. George Lucas lui semble confiant. Je vous attendais, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Le maître des forces du mal, Vador. Vos pouvoirs s'estompent, vieillard. Tu ne peux pas gagner. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Deux heures plus tard, les mots « The End » apparaissent sur l'écran, les lumières se rallument et... rien, aucun applaudissement, juste un silence gêné. Aïe, sans les effets spéciaux, le film semble en effet ridicule. Marcia Lucas fond en larmes, tandis que Lucas lui-même tente de rappeler à tous qu'il ne s'agit que d'un film pour enfants, rien d'autre qu'un Walt Disney. Mais les remarques les plus dures vont venir de ses propres amis, classique. Brian De Palma trouve le film sans queue ni tête, incompréhensible pour ne pas dire totalement raté. Pourquoi ce texte interminable au début, lui demande-t-il, et pourquoi sont-ils tous habillés comme dans Le Magicien d'Oz ? Ébranlé, mais pas défait, Lucas prend note de toutes les remarques. Seul Steven Spielberg est extatique. « George, c'est génial, ça va faire 100 millions !» Dans la dernière ligne droite, les équipes d'ILM travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lucas veut aussi porter un soin tout particulier au son, en insistant sur l'emploi du Dolby Stereo, encore très rare à l'époque. Le 1er mai, il organise une nouvelle projection avec public cette fois. Dès le premier plan et l'apparition du Star Destroyer impérial, il comprend que le film fonctionne enfin. Trois semaines plus tard, le 25 mai 77, Star Wars sort dans les salles américaines et entre immédiatement dans l'histoire du cinéma. C'est le premier acte d'une longue aventure intergalactique. À l'époque, ce n'était pas encore une trilogie. J'écrivais un scénario. Ce scénario était très ambitieux. Il racontait une immense épopée. Quand je l'ai achevé, j'ai réalisé que c'était beaucoup trop pour un seul film. Alors j'ai gardé la première partie, en fait le premier acte, et j'ai décidé d'en faire un premier film, en brodant autour, en l'étoffant un peu. Je me suis donc concentré sur cette première partie en me disant que si un jour l'occasion se présentait, je ferai un autre film des deux parties qui restaient. Les occasions en effet ne manqueront plus. Le deuxième épisode, l'Empire contre-attaque, sort en 1980, suivi par le retour du Jedi trois ans plus tard. Dans les années 2000, une nouvelle trilogie voit le jour en forme de préquel. Le premier épisode de la saga, dont on vient de vous raconter l'histoire, devient ainsi l'épisode 4, exploité sous le nom de Star Wars, un nouvel espoir. Viendra ensuite une troisième trilogie qui s'achève avec l'année 2019, donc cette année, aujourd'hui, après-demain, l'Ascension des Skywalker réalisée par J.J. Abrams. En 1977, George Lucas devient le prophète d'un nouvel âge du cinéma-spectacle et ouvre en même temps des horizons inespérés au studio. 4 décennies plus tard, et des révolutions technologiques en cascade, nous y sommes encore. Nombre des grands films qui font Hollywood aujourd'hui appliquent la formule magique prônée par Lucas. Ce qui compte, c'est le visuel. Son grand art aura été d'y ajouter la trame d'un récit mémoriel, une institution et une intuition brillantissime. J'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait, mon dos, ma peau se transformait en pyrogravé. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la saga Star Wars avec notre invité, l'historien Thomas Snegaroff. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Spécialiste des États-Unis, auteur de l'essai Star Wars, le côté obscur de l'Amérique. Vous êtes aussi présentateur de l'émission Histoire d'Info sur France Info. Contrairement à Dionysos, moi quand j'étais petit, j'étais pas un Jedi. Maintenant que je suis un peu moins petit, je suis toujours pas Jedi. Parce que c'est une culture à côté de laquelle je suis totalement passé, figurez-vous, jeune homme. Et vous allez donc m'éclairer. Ah non, mais moi aussi je suis passé à côté. Hein. Je suis un gamin des années 80. Ouais. Mais j'ai découvert Star Wars adulte, avec des enfants qui se trouvent être les miens, et c'est en les regardant avec ma formation d'historien adulte que des choses m'ont sauté aux yeux, et je suis sûr que si j'avais été, comme le chante Mathias Mézieux de Dionysos, un enfant de Jedi, des choses, je les aurais pas vues. Parce que j'aurais vu que peut-être un show intergalactique et des sabres laser et l'histoire profonde ne me serait pas forcément sauté aux yeux. Bon, bah j'aurais dormi mes filles quand elles étaient petites. Voilà, tant pis pour moi. Le dernier volet de la troisième trilogie, c'est bien ça, c'est mercredi. À quoi faut-il s'attendre? Qu'est-ce que ça représente par rapport à la saga dans ce... C'est la fin des fins de... Alors, pas forcément. C'est jamais la fin du Jedi. Tant qu'il y a des sous, ça sera jamais la fin. Voilà. C'est la fin de l'époque de l'histoire des Skywalker. D'accord. Voilà, ça, ils nous disent c'est la fin. fin, c'est la fin de l'histoire, etc. C'est donc le troisième épisode de la troisième trilogie. Il faut être assez précis, c'est un peu compliqué. C'est pas pour autant le neuvième, parce qu'ils ont abandonné l'idée de numérotation des numéros, des épisodes. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui était pas dans le bon ordre. C'était 4, 5, 6, 1, 2, 3, c'est un peu compliqué. Mais bref, ça a pas été tourné dans l'ordre, peu importe. Et en revanche, là, le dernier, là, le neuvième, sera le dernier, disons, de ce moment d'histoire. C'est intéressant, vous avez beaucoup parlé de mythologie pendant oui, le récit. Ben, Star Wars se nourrit de la mythologie, mais à sa propre mythologie. C'est créer sa propre mythologie. Quand on voit aujourd'hui Luke Skywalker, enfin le personnage, un acteur âgé, on voit que le temps a joué son rôle et donc il a produit sa propre nostalgie. On parle des enfants qui ont regardé Star Wars en 77, qui vont revoir le 9e épisode aujourd'hui, quasiment 42 ans après. Il y a là une histoire qui s'est écrite aussi, et donc c'est une mythologie qui s'est nourrie de mythologie. Et vous l'avez vu ce 9e épisode, non? Je crois que personne ne l'a vu encore, en tout cas... Pas en projection presse, rien du tout. Non, c'est bon, pas encore. D'accord. Qu'est-ce que vous en attendez? Vous êtes excité de, ou pas? Bah, n'ayant pas été un enfant de Jedi, je suis pas particulièrement excité, d'autant plus que moi je fais un peu partie de ceux qui considèrent que l'œuvre de Lucas, à savoir vraiment celui qui a pensé l'œuvre dans sa totalité, peut-être qu'il n'avait pas pensé à l'ensemble des épisodes au départ, mais en tout cas qui avait pensé à un sens global. Eh bien, cette œuvre-là, elle s'est achevée avec la fin de la deuxième trilogie, de la prélogie, c'est-à-dire que ce qui précède l'histoire, en fait, qui permet de comprendre, qui s'est achevée en 2005, cette trilogie-là, c'était Lucas. Après, il a vendu les droits à Disney. C'est pas un problème en soi, sauf que désormais, on n'est plus dans la tête d'un même créateur. Si vous allez voir une rétrospective d'un peintre, bah, si vous avez après des gens qui sont inspirés du peintre, bah, c'est plus le même peintre. Donc, si vous voulez faire un travail sur l'analyse d'une peinture ou l'analyse d'une œuvre, bah, vous allez vous arrêter à l'œuvre faite par le peintre que vous êtes allé voir. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la troisième trilogie, donc, on voit le troisième épisode qui sort après-demain, on n'est plus dans la tête du même concepteur. D'ailleurs, il y a beaucoup de répétitions et d'hommages, ce qui est un peu différent tout de même. Alors, pourquoi, à votre avis, Lucas a-t-il dit, lorsqu'il a fait cette projection de presse, qui n'a pas été appréciée parce qu'il n'y avait pas les effets spéciaux, il a dit, mais écoutez, c'est un film pour enfants, c'est du Walt Disney. On peut penser qu'il ne le pensait pas vraiment. Pourquoi il dit ça? Je pense qu'il le pensait un peu. C'est-à-dire que Lucas, c'est quelqu'un qui dit, et d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Star Wars qui disent ça y est, Lucas a vendu son âme en vendant un Disney, sauf que lui-même disait, même avant cette projection que vous évoquez, je veux faire un Disney. Ouais. Parce que les Disney, ça rapporte des sous, etc. Donc, il y avait quand même au fond de lui le désir de faire un grand spectacle. Et quand vous avez cité tout à l'heure, c'était très intéressant, quand vous avez dit, Lucas, finalement, a commencé à penser à son film en disant, mais les enfants des années 70 n'ont plus de films pour eux. Ouais. Nous, on avait les cow-boys, les indiens, il n'y en a plus. Et effectivement, les années 70, c'est une période adorée par les cinéphiles, parce que c'est un cinéma adulte. Ouais. C'est ce qu'on appelle un moment très particulier d'Hollywood où les scénaristes et les réalisateurs avaient ce qu'on appelle le final cut, ils avaient pris le pouvoir sur les producteurs. Il y avait des films parfois où on avait une inversion des valeurs. Bonnie and Clyde, on est avec des cambrioleurs plutôt qu'avec la police. Bref, il y avait un cinéma plus adulte à ce moment-là où le lauréat, pensez le lauréat quand même, d'un point de vue moral, c'est plus transgressif. C'est très transgressif et c'est pas pour seulement les aux États-Unis. Regardez en Italie, la décennie 70, c'était vraiment. Exactement. C'est un moment très particulier, très adulte peut-être, une sorte de fin de l'enfance d'un cinéma. Et quand Lucas dit « je veux parler aux enfants », c'est aussi lui-même dans un élan un peu nostalgique. Après, au fond de lui, avec tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a mis dans le film de réflexion politique, historique et mythologique, il ne s'agit pas uniquement de faire un Disney et pas uniquement un film pour enfants. Et on y arrive. Donc vous dites, je suis allé avec mes enfants, c'est ça? Ouais. Et j'ai vu ce qu'il pouvait y avoir derrière tout ça. J'ai ouvert des tiroirs, en fait. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Et qu'est-ce qui vous a tant intéressé au point d'en écrire un livre? On peut prendre les points les uns après les autres, parce qu'il y en a plusieurs quand même. Bah, vous avez commencé, d'ailleurs vous auriez pu faire la voix sur le tapis roulant au début, là, vous savez, le tapis où on dit il y a très longtemps. Très longtemps. C'est parfait. Merci. C'est parfait. Eh bien, là, typiquement, ça commence, on parle de guerre civile. Quand on est historien des États-Unis, quand on entend Civil War, forcément, vous n'êtes pas dans ce que beaucoup ont cru voir dans la guerre des étoiles, à savoir le bien contre le mal, c'est éventuellement les nazis contre l'Occident ou les rouges, on est période de la guerre froide, contre les États-Unis. En fait, on se dit, la guerre civile, c'est une guerre interne aux États-Unis. Et moi, ce que je me suis dit en le regardant, ce film, c'est de me dire, en réalité, Lucas nous fait croire, parce qu'il utilise des éléments iconographiques des grands totalitarismes, le totalitarisme contre l'Empire, en réalité, il nous raconte l'histoire de son pays, qui est l'histoire d'une république, les États-Unis, qui a en permanence la tentation de l'Empire. Et c'est vraiment cela, avec la tentation et la violence interne inhérente à la société américaine, entre d'un côté l'attachement au père fondateur, le mot père est évidemment important dans le film et dans l'approche que j'en propose, l'attachement au père fondateur est peut-être un détournement d'un idéal au profit d'une tentation qu'on peut comprendre, qui est celle de l'Empire. Et donc toute une réflexion est menée dans le film autour de ça, et la preuve en est, c'est que quand on regarde bien le film, l'Empire ne vient pas de l'extérieur. L'Empire est l'émanation de cette République qui s'est scindée finalement en deux avec une tension historique très forte qu'on retrouve dans l'histoire des États-Unis. Et alors, ça c'est une analyse critique, mais il y a l'autre analyse qui n'est pas une analyse, on va parler de récupération politique de Star Wars, ça s'est pas fait attendre. Le 8 mars 1983, donc deux mois avant la sortie du troisième épisode de La Guerre des Étoiles, donc qui était l'épisode 6, le président Reagan est à Orlando, en Floride, pour y prononcer un discours à l'occasion de la convention annuelle des associations évangéliques nationales. Vous allez, écoutez ce qu'il dit. Je vous exhorte à vous opposer à ceux qui ont placé l'Amérique en situation d'infériorité militaire et morale. Je vous exhorte à vous méfier de la tentation de l'orgueil, la tentation de vous déclarer au-dessus de tout cela et de considérer que les deux côtés se valent, d'ignorer l'histoire et les pulsions agressives d'un empire du mal. Ainsi, vous retirez de la lutte entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, c'est passionnant parce que il y a à la fois la définition de l'empire du mal et puis il y a son IDS, l'initiative de défense stratégique, vous savez, ce grand projet qui visait précisément que les médias ont appelé la guerre des étoiles, c'est un programme qui visait à protéger le sol américain de toute attaque nucléaire soviétique. Absolument. D'ailleurs, la menace nucléaire, elle est très présente dans le film, dans les années 70 quand Lucas écrit, il y a une vraie angoisse, surtout que lui adolescent l'avait vraiment vécu, donc l'étoile noire qui peut détruire le monde, c'est clairement l'arme nucléaire. Et ce qui est passionnant avec Reagan, c'est que Reagan présente son projet. Le lendemain, la presse dit « mais c'est la guerre des étoiles ». Et Reagan, l'administration Reagan va l'utiliser. Mais ce qui est encore plus passionnant, c'est que George Lucas, qui se considère lui comme progressiste, démocrate, se sent dépossédé de son œuvre et porte plainte contre l'administration, en disant « mais vous n'avez pas à utiliser mon film comme ça, parce que si le film a été pensé comme je le disais tout à l'heure, c'est pas du tout cette espèce de dichotomie entre l'URSS et les États-Unis. » Sauf que l'administration Reagan et Ronald Reagan et les médias américains, l'ayant bien aidé, ont le flair de se dire, en fait, allons à la base du truc. Le truc, c'est quoi? C'est un film très manichéen. Il y a le bien, il y a le mal. Alors là, ils ont largement affaibli la portée du film, mais peu importe. Bah, nous sommes du côté du bien. En face est le mal. Et c'est ainsi que, mais comme toutes les œuvres, l'œuvre échappe à son créateur. Il avait pensé complètement différemment la chose. Moi, je pense que c'est une vraie critique très profonde des États-Unis. Et il se retrouve à être le promoteur de l'Amérique impériale, précisément, ce qui est la dénonciation de son film. Film qui a dû plaire à George Bush, par exemple. Ah oui. Qui parlait du bien et du mal. Qui parlait du bien et du mal. Et d'ailleurs, dans la deuxième trilogie, celle des années 2000, 1999 à 2005, il y a des allusions très claires à la guerre en Irak, très claires, même des phrases. Il y a un moment donné, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Ça, c'est du Bush dans le texte. Ou bien Padmé qui dit voilà comment la liberté peut disparaître sous les applaudissements. C'est ça rappelle le lendemain du 11 septembre quand tous les sénateurs votent le Patriot Act, qui est un reniement des libertés fondamentales au nom de la sécurité, par le truchement de la peur. Tout ça sont des thématiques de George Lucas. Lucas a donné très peu de clés de compréhension de son œuvre, ce qui est cool pour moi, parce que je peux dire ce que je veux. Mais là, tout de même, il l'avait dit en 2005, à Cannes, quand il présente le troisième épisode de la deuxième trilogie, donc le numéro 3, dans la numérotation, je vous ai perdu, mais peu importe. Non, 5. Faites-moi confiance. Non, c'est le dernier de la prélogie, enfin peu importe. Et il dit effectivement qu'à ce moment-là, on est en pleine guerre en Irak, et il y a une allusion très claire à son pays qui est en train de renier ses idéaux fondateurs au nom de la lutte pour la sécurité. La tension sécurité-liberté, elle est permanente aux États-Unis, chez nous bien sûr, et aussi dans l'œuvre de Lucas. On rappelle que ce qu'on, les médias ont surnommé la guerre des étoiles, donc l'initiative de défense stratégique, a été un élément très important dans la chute du bloc de l'Est. Très important. C'est pas un petit truc au passage, hein. C'est vraiment important. Ouais, c'est pas anodin. C'était en fait la volonté de pousser à la faute les Soviétiques en les poussant à dépenser encore plus dans l'armement, sachant qu'ils dépensaient déjà 20 à 25% des dépenses militaires par rapport à leur richesse. Là où les Américains dépensaient 4 à 5%, ils avaient de la marge. Là où les Soviétiques n'en avaient pas. Et effectivement, l'URSS est largement tombée pour des raisons économiques. Bien sûr, plus que pour des raisons militaires. C'était à la fois un coup de bluff et un coup de maître des Américains. Alors, on va rappeler aussi le contexte du Vietnam. Je disais dans le récit que il allait à contresens de l'histoire. Les Américains n'en pouvaient plus de la guerre du Vietnam, des violences. Carter a été élu homme pacifique, en se présentant comme tel. Et finalement, Star Wars était en porte-à-faux. Dans quelle mesure l'existence du conflit du Vietnam a-t-il pesé sur ce film-là? Et quand dit ce film-là, je rappelle qu'on est 4 ans après la fin de la guerre au Vietnam. C'est 73, les accords de GIF, c'est 73, c'est ça. Et Saigon tombe en 75, donc le film sort en 77. Et Lucas, c'est la génération de ceux qui auraient dû partir. S'il n'avait pas eu du diabète, il serait parti. Il était tiré au sort, il allait partir faire la guerre. Il a vu des copains partir faire la guerre. Il fait partie de cette génération qui est passée du camp des faucons au camp des colombes. Clairement, l'opinion publique, elle change, et il fait partie de ça. Et d'une certaine manière, les Ewoks, dans l'épisode 5, faites-moi confiance, sont les Vietnamiens qui luttent, pour le coup, avec des idéaux contre une puissance technologique et hyper forte et qui perd contre eux. Donc, Lucas inverse la proposition et se place du côté des Vietnamiens, du Vietcong quand même, hein, c'est assez violent, plutôt que du côté des États-Unis. Et puis il y a une autre dimension très importante avec la guerre du Vietnam. Qu'est-ce que la guerre du Vietnam dit aux Américains? Elle leur dit que l'homme américain puissant, militaire, le soldat, finalement, est vaincu par les idéaux. Et c'est une espèce de réflexion très profonde qui est posée sur la virilité. C'est quoi un homme aux États-Unis, etc. Et Lucas offre une réponse à ça avec ce qui peut sembler être peut-être un grand divertissement, mais qui est une réflexion très profonde sur c'est quoi être père, c'est quoi être fils, c'est quoi retrouver le père. Et d'ailleurs, à cet égard, moi je considère que, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, cette saga, elle est plutôt conservatrice d'un point de vue moral que progressiste d'un point de vue moral, d'abord parce que les filles n'ont pas un grand rôle avant la période actuelle. Leia n'est pas une héroïne extrêmement puissante, elle combat pas par exemple. Et puis surtout, quand on regarde les trois premiers épisodes, donc des années 77 à 83, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un désordre. Le désordre est très puissant tant que le père et le fils ne sont pas réunis. Lorsque le fils retrouve son père, l'ordre rétabli en quelques minutes à la fin du troisième épisode, ce qui a pu servir aussi, évidemment, la révolution conservatrice d'un Ronald Reagan. Donc Ronald Reagan n'a pas fait qu'un cambriolage de l'œuvre de Lucas, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'Empire du Mal, etc. Il s'est aussi servi, je crois, du fond et du suc de ce que dit vraiment, au fond, George Lucas, qui est finalement de dire que l'ordre est rétabli quand le père est le père et le fils est le fils. Décidément, ce Ronald Reagan a tout gagné. Il a gagné la guerre froide, il a imposé le système économique dans lequel on vit aujourd'hui. C'est fou, quand même. Ouais. Dit au passage, ce président-là, qu'on l'apprécie ou pas, a tout gagné. En tout cas, il a gagné idéologiquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le dire, même si le libre-échange qu'il promouvait à l'époque, aujourd'hui, a du plomb dans l'aile. Oui. Alors, est-ce que la thématique, je pose la question, peut-être que ça n'a aucun rapport, mais de la Deuxième Guerre mondiale, les démocraties contre les pouvoirs totalitaires, je rappelle que les démocraties ont gagné leur guerre contre les pouvoirs totalitaires. Est-ce qu'il y a aussi ce message-là dans Star Wars? Alors, certainement, les Stormtroopers, ça fait... les termes volontairement sont choisis et renvoient à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. L'idée de la peur qui permet d'arriver au pouvoir. Hitler a utilisé la peur en permanence des Rouges pour arriver au pouvoir. Le couple Dark Vador-Palpatine a parfois été comparé au couple Staline-Beria. Dark Vador, c'est Beria, c'est l'homme de main qui n'a aucune morale et qui aucun ne sait scrupule, aucun scrupule, une main froide qui tue sans aucune morale. Tout cela est possible. Il y a aussi des éléments iconographiques que j'ai évoqués, Leni Riefenstahl, le triomphe de la volonté. Mais il l'a dit lui-même, Lucas l'a dit. Moi, je me suis servi de l'iconographie, de l'imagerie. Parce que dans l'imagerie d'un Américain ou d'un Occidental dans les années 70, auquel s'adresse George Lucas, le mal, c'est clairement l'URSS et le nazisme. Mais c'est là où il est plus malin à mon avis, c'est qu'il se sert de ça pour nous bien aller dans notre tête pour dire voilà, ça c'est le mal, vous le connaissez par cœur, mais moi je vais aller plus loin et je vais vous dire que le mal il est peut-être à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est le plus important et le plus passionnant. C'est pour ça que parce qu'on parle beaucoup des États-Unis. Vous pourriez me demander, mais alors pourquoi ça marchait ailleurs qu'aux États-Unis cette histoire ? J'allais le faire d'ailleurs. Ben je me la pose moi-même. Pourquoi ça ne marche pas ailleurs qu'aux États-Unis ? Eh ben la raison, c'est parce que on va aussi vers quelque chose de beaucoup plus profond, qui est outre la quête du père qu'on a peut-être chacun en nous, qui est outre ça, à mon avis, la question de notre part du mal en chacun de nous. Mmh. Comment peut-on basculer du bien vers le mal, et c'est aussi ça ce que ça nous raconte, l'histoire de Dark Vador en tant que tel, en tant que monstre au départ. Ça peut être nous, quoi. Bah ouais, parce qu'au départ c'est Anakin, il a plein de talents, et il bascule. Et comment on bascule? Et ça, c'est une question qui est universelle, qui est fondamentale, et qui, je pense, nous concerne tous, occidentaux ou pas. Et alors peut-être que dans le volet qui sort mercredi, il y aura une critique implicite de Monsieur Trump et de l'Amérique de Trump, peut-être. C'est pas impossible, même s'il a remarqué que dans la trilogie, il y avait des éléments, par exemple, sur la radicalisation, ça c'est des thèmes très actuels. Mm-hmm. Mais vous savez, Star Wars, c'est un test de Rorschach. Hein. Vous prenez de l'encre, vous ouvrez, et ça dit des choses autant sur vous que sur l'œuvre. C'est le propre des grandes mythologies. L'historienne le disait dans votre récit tout à l'heure. C'est ça aussi la force de Star Wars. Est-ce qu'il a nourri aussi notre conversation, cher Thomas Negaroff? Merci infiniment. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Star Wars, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à Jérémy Guillon qui était à la technique aujourd'hui.